Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 18 janvier 2019. Voici les grands titres de cette édition. Une famille de 6 personnes habitant la sous-colline Rouyang et de la colline Sororezo en commune Kanyosha de la province de Bujumbura a péri dans un glissement de terrain qui a emporté la maison qui les abritait. À l'origine de tout cela, de fortes pluies tombaient la nuit de ce jeudi à vendredi. L'administration locale envisage déménager en urgence les autres familles de la localité pour éviter d'autres accidents mortels. Et puis, deux personnes originaires de la zone Kinama en mairie de Bujumbura restent alitées pour traitement du choléra déclaré dans cette localité. 5 autres qui avaient été admises sont rentrées. Et dans la chronique environnement, un expert nous parlera de l'acidité du sol. Ce sera à la fin de ce journal. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Cet enfant ont attrapé l'épidémie de choléra en zone Kinama de la commune urbaine de Nangwa. Nous sommes en mairie de Bujumbura. C'est le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Jean-Bosco Girukushaka, qui l'a déclaré en précisant que parmi les 7 enfants atteints, 5 ont déjà été soignés et sont guéris, tandis que les 2 autres restent alités à l'hôpital Prince-Régent Charles, où se trouve un centre de traitement des cas de choléra. Il affirme que des actions de pulvérisation dans cette localité ont été menées. Suivez-le. Nous avons connu aussi l'épidémie de choléra, précisément dans le district Bujumbura Nord, c'est dans la zone de Kinama. Et nous avons eu le premier cas, c'était le 12 janvier cette année. Au total, pour cette date, on a eu 2 cas le jour suivant, et 3 cas le jour encore suivant, c'est-à-dire le 14. On a eu aussi 2 cas. Au total, on a eu 7 cas, dont ce sont des enfants de 2 ans à 12 ans qui sont ici de des familles. Et nous avons une famille du quartier Ruyigi qui compte 6 enfants. Et nous avons aussi un autre cas, un enfant du quartier de Bukirasazi. Aujourd'hui, au niveau de l'hôpital Prince-Régent Charles, il y a un centre de traitement de choléra. Nous avons 2 cas qui sont encore en hospitalisation et les autres ont été déjà traités favorablement, et guéris et rentrés. Je signale en plus que depuis le 15, c'est-à-dire le 15, le 16 et le 17, et aujourd'hui, nous ne signalons aucun autre cas de la maladie ici à mairie de Bujumbura. Et pour les actions menées, Depuis cette date, nous avons procédé à la pulvérisation des ménages et de ces quartiers. Je l'avais dit dans les titres, 6 personnes d'une même famille sont mortes suite aux fortes pluies qui se sont abattues au cours de la nuit de ce jeudi à vendredi sur la sous-colline Nerouyang et de la colline Sororezo en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Un glissement de terrain a emporté les murs d'une maison dans laquelle dormaient les victimes composées des parents et 4 enfants. Le conseiller technique de l'administrateur communal de Kanyosha qui s'est rendu sur les lieux a indiqué à la presse que les autorités administratives vont demander aux voisins de la famille victime de quitter cette colline qui a une forte pente pour éviter d'autres accidents mortels. Au cours de cette période pluvieuse, Evariste Nzikomanyang s'est rendu sur les lieux. Son reportage. Nous sommes sur la sous-colline Ruyangé de la colline Sororezo où 6 personnes d'une même famille ont péri suite à un glissement de terre survenu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les membres de la famille éprouvés, les voisins, tous pleuraient pour la famille de feu Janvier Nikoumana. Ceux qui ont pu parler sur notre micro disent avoir été surpris d'entendre cette triste nouvelle. Nous avons été sidérés par cette mort inopinée. Cela s'est passé pendant la nuit. Si c'était au cours de la journée, peut-être que quelques vies humaines auraient été sauvées. C'est vraiment triste de voir toute la famille décimée. Ce qui s'est passé au cours de la nuit dernière fait peur. C'est vraiment triste de voir toute une famille décimée. C'est vraiment horrible. Le conseiller de l'administrateur communal de Kanyosha, chargé de questions sociales et administratives, s'est rendu à Sororezo. À part qu'il crie au secours, la distrace Badziruwiha indique ce qui va être fait dans l'immédiat pour sauver d'autres familles vivant sur cette sous-colline qui a une forte pente. Nous allons tenir une réunion de sensibilisation comme ça. On va leur demander d'évacuer un peu parce que durant cette période de pluie, d'autres maisons risquent d'être emportées par les glissements de terre. Alors après, peut-être pendant la saison sèche, elles pourront quand même revenir, voir ce qu'elles peuvent faire comme habitation. Le conseiller technique de l'administrateur communal de Kanyosha ajoute qu'en collaboration avec les hautes autorités, ils vont analyser comment délocaliser ces familles vivant sur ce bassin versant comme ils l'ont déjà fait ailleurs. Évariste Nzikobanyanga, en plus de ces 6 personnes, 2 autres sont mortes en mairie Bujumbura suite à ces intempéries qui ont détruit plus de 30 maisons et plus de 100 autres inondées. C'est le bilan donné par Antoine Nemako, directeur général de la plateforme nationale du département de gestion des catastrophes. On l'écoute. Cette nuit, on a connu une pluie diluvienne à mairie de Bujumbura et des alentours. Les premières informations nous disent qu'il y a eu beaucoup de dégâts, des pertes en vie humaine et de destruction de maisons. Je commence par la province de Bujumbura, ici à proximité de Bujumbura, mairie. En commune Isare, 6 personnes ont été tuées suite à l'écroulement d'une maison sur toute une famille. Toute une famille a succombé. Il s'agissait d'un chef de ménage, femme et frère de 4 enfants. C'était en zone Nyambouillé. Colline Sororezo. Ici, en mairie de Bujumbura, en commune d'Hangwa, zone Buterere, il y a eu 30 maisons détruites, 102 maisons inondées, qui risquent de connaître le sort vu la qualité de la reconstruction. En zone Kinama, 6 maisons détruites également, et une personne décédée. Et en zone Buyenzi, commune Mukaza, il y a une personne qui est morte, 2 blessés suite à cette pluie diluvienne. Donc, ces chiffres sont provisoires. On continue, on va faire l'évaluation. Seulement, qu'ailleurs dans le pays, il peut y avoir d'autres victimes, mais c'est les premières informations qu'on a recueillies ce matin. Et le Burundi a été classé 17e sur 190 économies enquêtées dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, édition 2019. C'est entre juin 2017 et mai 2018. La Banque mondiale a donné cette place au Burundi par rapport à l'indicateur lié à la facilitation de création des entreprises. Le Burundi vient en première position au niveau Afrique, comme l'indique Léonard Senhore, directeur de l'agence de promotion des investissements à Pierre en sigle. Et c'était dans un point de presse ce vendredi. Que le pays est bien placé dans la création des entreprises de développement, alors qu'il est parmi les pays les plus pauvres au niveau mondial, Léonard Senhore explique que le développement économique d'un pays demande le travail et en synergie où chacun, en ce qui le concerne, apporte sa contribution. On l'écoute. Vous savez, éradiquer la pauvreté, c'est un processus. Ce n'est pas une seule réforme qui peut permettre d'éradiquer la pauvreté. C'est pour cela d'ailleurs que nous travaillons sur plusieurs indicateurs. Ce n'est pas seulement l'indicateur création de société. Il y a l'accès à l'électricité, vous savez, l'importance des infrastructures pour développer les économies, et particulièrement l'électricité, l'accès à l'énergie, il y a l'accès au crédit, il y a le commerce transfrontalier, il y a beaucoup d'indicateurs sur lesquels nous travaillons, c'est 10 indicateurs. Et ce n'est pas cet indicateur, même le meilleur indicateur, ce n'est pas ce qui va développer le pays. C'est plusieurs secteurs, c'est plusieurs facteurs. C'est la conjugaison des efforts de tout le monde. C'est l'investissement qui développe le pays, pour être précis. C'est pour ça que nous travaillons pour pouvoir attirer les investissements étrangers, mais également promouvoir les investissements des nationaux pour que tout le monde ensemble nous puissions contribuer au développement du pays. Donc ce n'est pas seulement le travail. Il y a beaucoup de pays qui ont même avancé, si vous voulez, bien sûr, ces différents indicateurs, mais qui restent classés dans la catégorie des pays en développement. D'un côté, nous travaillons effectivement sur ces indicateurs pour améliorer les affaires, mais d'un autre côté, il y a d'autres acteurs qui doivent aussi mobiliser les efforts pour pouvoir effectivement contribuer au développement de notre pays. Économie toujours, le premier vice-président de la République a lancé ce vendredi la campagne d'informatisation des services dans le paiement des impôts et taxes municipaux. C'est suivant la loi du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi. Gaston Sindimo a exhorté les contribuables de la mairie de Bujumbura à payer ses impôts dans les délais. Et lors du lancement de cette campagne, le maire de la ville de Bujumbura, l'honorable Freddy Mbonima, a précisé que la mairie a subi une baisse du nombre de contribuables de 2017 à 2018. Entre autres avantages de l'informatisation des services de paiement des impôts et taxes figure donc le système de sécurisation des dossiers des contribuables. Suivez-le. Remercier son excellence, le premier vice-président, qui est venu lancer cette campagne de déclaration des impôts et taxes et pour que la population urbaine puisse venir massivement dans les délais impartis pour déclarer et payer. Nous avons lancé cette campagne afin que personne ne puisse dire qu'il n'a pas connu cette période. Nous avons constaté qu'en 2017, 45 000 contribuables avaient déclaré et payé. En 2018, nous avons connu une baisse jusqu'à 24 000. Alors nous avons constaté que nous avons une perte énorme au niveau des rentrées des recettes. C'est pour cela que nous avons modernisé le système de collecte. Il y a des machines, il y a des logiciels, il y a un système de sécurisation, ce qui permettra à la mairie de connaître tous les contribuables, de constituer une base de données des impôts, des taxes et autres redevances. Autre avantage, cette sécurisation des données montrera aussi la traçabilité des opérations pour connaître qui fait quoi ou qui a payé ou pas. Un autre avantage, c'est la réduction de la fraude. Vous savez qu'en mairie de Bujumbura, il y a des documents falsifiés, des faux documents, des fausseurs. Donc cela permettra à éradiquer ce système de fraude afin que tout citoyen qui peut venir chercher des documents peut avoir des documents sûrs. Honorable Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, qui rappelle que la période de déclaration de l'impôt et taxes va du 1er janvier au 31 mars. Deux variétés de pommes de terre seront bientôt vulgarisées en province Chibitoke dans la plaine de Limbo. Le directeur de la promotion des filières agricoles et produits forestiers demande aux multiplicateurs de commencer par bien sélectionner les semences. Correspondance d'Alexis Ndaïra Guigé pour plus de détails. Ces variétés de la pomme de terre qui vont bientôt être vulgarisées dans la plaine de Limbo, surtout en commune Ogongo de la province Chibitoke, sont CIP01 et CIP03, dont les premiers noms à Kirundi sont respectivement Bukingo et Bujohe. Après l'essai de ces semences à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Zawo Ansig, au centre Malambo de la commune Ogongo, un ingénieur agronome, Salvatore Nabakinira, a par après essayé de multiplier ces semences au chevelu de la province de Tokyo. Sur un champ de 12,5 A, ont été plantés 70 kg de CIP01, 682 kg ont été récoltés. Sur un autre champ de 6 A et plus, ont été plantés 26 kg de CIP03, on a pu récolter 172 kg. Le directeur de la promotion des filières agricoles et produits forestiers non lignés au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, Claude Noiri, indique qu'il a été ravi par ces accès de multiplication des semences de la pomme de terre de l'ingénieur Salvatore Nabakinira, puisque ça fait partie des projets de lutte contre la pauvreté. Il demande au directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, à province de Tokyo, d'appuyer son multiplicateur. À l'ingénieur Salvatore Nabakinira, lui est d'ores et déjà distribué les semences de cette pomme de terre bien sélectionnée. Salvatore Nabakinira, et dès qu'il va encore une fois cultiver sur des grandes étendues cette pomme de terre, afin qu'il y ait une grande quantité à vulgariser. Les cultivateurs qui ont déjà vu ces variétés demandent aux multiplicateurs de multiplier le plus tôt possible ces variétés, afin qu'eux aussi commencent à cultiver cette pomme de terre, produit qui sera accessible à la population de la plaine d'Olibo, surtout en province de Toki. Ces variétés qui vont être vulgarisées atteignent la récolte à 2 mois et demi. Depuis le Toki, Alexis Ndaïra Guigé, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Certaines régions caractérisées par une forte pluviométrie sont beaucoup touchées par l'acidité du sol. Salvatore Kaboneka, professeur d'université, fait savoir que cette acidité du sol est causée par une forte concentration d'aluminium, mais aussi l'érosion et la non-mise en jachère des terres cultivables. Chronique environnement avec Christelle Anezigama. L'acidité du sol est un processus qui se retrouve dans certaines zones spécifiquement situées entre les tropiques qui sont caractérisées par une forte pluviométrie, explique Salvatore Kaboneka, professeur d'université. L'acidité des sols, pour certaines personnes, constitue un problème majeur du point de vue environnemental. Le facteur déclencheur de l'acidification des sols, c'est l'eau. Il se fait que dans le sol, il y a certains cations, il y a certains éléments constitutifs de ce sol, et je vais citer ceux qui concernent bien spécifiquement l'acidité des sols, c'est en premier l'aluminium. L'acidité du sol est définie comme une forte concentration des ions H+, ce qu'on appelle les ions hydrogène. La gamme idéale de pH pour les sols, c'est entre 6 et 7. Donc globalement, le territoire national a des pH inférieur à 5,5. Certaines régions naturelles au Burundi, comme le Mugamba, présentent des sols acides, explique ce professeur d'université. Et la zone la plus arrosée, comme vous le savez, c'est la crête Zaïre-Nil, la crête Congo-Nil, maintenant qu'on l'appelle. C'est le Mugamba pratiquement, de Kawarore jusqu'en bas, jusqu'à Vianda. Ça, c'est la zone où vous rencontrez les sols les plus acides. Ici au Burundi, si vous voulez acheter un terrain, je vous conseille d'acheter dans la plaine de Limbo. Parce que c'est là justement où vous avez des pH assez proches de l'idéal, autour de 6. Nous parlons de Marambo, nous parlons de Rumonge, de Nyanza Lac, éventuellement Gihanga. Parmi les caractéristiques chimiques du sol acide, ce sont des sols qui ont une faible activité microbiologique. Et vous savez que la partie principale pour l'absorption des éléments nutritifs au niveau de la plante, ce sont les racines. Alors, les racines plongent dans ces sols acides, ils sont affectés. Leur croissance est très très limitée. Alors, qui dit faible croissance racinée, dit faible absorption des éléments nutritifs, carence au niveau de la nutrition des populations. C'est cette pauvreté des sols qui fait que les éléments nutritifs sont tellement limités dans ce sol que leur absorption ne permet pas un meilleur équilibre des éléments nutritifs dans la plante. Salvatore Kaboneka fait savoir que parmi les causes qui sont à l'origine de cette acidité du sol, c'est non seulement le lessivage, mais il y a aussi l'érosion du sol. Parmi les causes de l'acidité, justement, c'est non seulement le lessivage, ça veut dire les pertes en profondeur des cations basiques, calcium, magnésium, potassium. On appelle ça techniquement le mouvement vertical descendant. La deuxième cause, l'érosion n'emporte pas tous les cations de la même manière. Non, l'érosion est sélective. Elle emporte beaucoup plus justement ces cations qui luttent contre l'acidification. Et dans la plaine de Limbo, c'est un milieu qui reçoit carrément tous les sédiments, et y compris justement ces cations. Cette acidité du sol entraîne des conséquences néfastes, non seulement sur le sol, mais aussi sur les plantes. On vous en parlera dans la chronique environnement prochaine. À la source, reportage. Les femmes sont capables de satisfaire à leurs besoins grâce à des métiers ou étant en association. Deux jeunes filles de la colline Boutare et de la commune Kayogoro en province Makamba ont monté ensemble un projet de couture après avoir échoué l'école fondamentale. Pour le conseiller chargé des affaires administratives et sociales à la commune Kayogoro, si les filles ou femmes s'adonnent au petit métier, c'est une source de développement familial et communal. Et c'est un reportage signé Placide Niomongere en visite dans cette province de Makamba. Nimona Esther, âgée de 18 ans, et Mina Levestine, de 16 ans, sont des sœurs de père et de mère. Nous les trouvons sur le marché de Kayogoro, là où elles opèrent tout le jour et sont à deux dans une chambre qu'elles peuvent loyer mensuellement. Tout ont échoué la 9e année fondamentale. Esther affirme avoir perdu l'espoir sur son avenir après l'échec scolaire avant d'avoir l'idée d'apprendre le métier, la couture. Elle dit qu'après avoir été obligée d'abandonner l'école suite à l'échec scolaire, elle a pensé à s'apprendre le métier. Selon ses défis certifiés, elles ont eu l'idée de monter leur projet propre qui est de servir une autre personne. Elle dit que les deux se sont confiés à un couturier de la localité qui les a appris moyennant paiement d'une somme d'argent en métier de couture. Étant certifiée, ajoutait-elle, puisque la classe se faisait sur le même marché, ils ont décidé d'y rester. Nous faisons ce que nous pouvons, sinon demande l'intervention aux autres, ajoutait-elle. À propos de l'outil de travail, Vestine Minani, l'une de ses deux filles, explique que les machines à coudre à leur disposition sont des dons de leur père. Elle dit que leur père, lui aussi, est un couturier. Elles se sont adressées à lui pour les aider à avoir la machine à coudre. Lui, il n'a pas hésité. Côté défi du métier, Esther et Vestine n'en trouvent pas une longue liste à l'exception des clients qui viennent au compte-gouttes. Ces deux filles affirment satisfaire à leurs besoins suite aux revenus issus de leur métier. Le travail que fait ces deux filles parvient à convaincre leur père. Ernest Kabura dit être rassuré que d'ici peu de jours, ces deux filles seront à un niveau satisfaisant. Kabura dit que ces filles sont à l'âge d'apprendre et d'écœurer dans la vie, alors que pour lui son âge avance. Il fait allusion aux enfants de son petit frère qui sont à un niveau de s'acheter des motos ou véhicules. Mais mes filles aboutiront à son niveau, espère Ernest. Au niveau des collectifs et des associations féminines, Nimona Marie Goret, une animatrice de la colline Outaré, regrette qu'une fille ou femme non associée ou méprisant toute activité susceptible de générer un revenu n'a pas de souci sur son avenir. Et Antoine Ndaïra Guigé, conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales, note qu'une femme en action est source du développement familial. On accueille cette initiative très bon. Par exemple, une femme fait des travaux productifs, c'est qu'il est en train de faire le développement dans sa famille. Une fois la famille développée, c'est que aussi la commune se développe. Ces jeunes filles et administration communale appellent les femmes qui traînent encore les pieds à tout apprendre, car reprennent-ils que dans le ménage, tous sont complémentaires. De Kayoguro, Placide Niamungere pour le Radio Sanganiro. C'est sur ce reportage de Placide Niamungere depuis Makamba que nous bouclons ce journal mis en onde par Eric Ouimana au micro Jean Bosco Ndouimana. Nous souhaitons de passer un très bon après-midi. Merci d'être avec nous.